Prêts pour l'avant 2, les enfants? Pour danser l'avant 2, on fait deux rangées face à face, en intercalant garçons et filles. Chaque garçon aura une cavalière à sa droite et une cavalière en face de lui. Vous êtes prêts? Avancez de 4 pas, reculez de 4 pas. Avancez de 4 pas, reculez de 4 pas. Et traversez sur 8 pas. Et retraversez sur 8 pas, on reprend sa place de départ. Et on se croche avec le bras droit et tourne, tourne sur place. Et puis on se croche avec le bras gauche et tourne, tourne dans l'autre sens. Avancez de 4 pas, reculez de 4 pas. Avancez de 4 pas, reculez de 4 pas, et traversez sur 8 pas, et retraversez sur 8 pas, et on se croche avec le bras droit, et tourne, tourne sur place, puis on se croche avec le bras gauche, et tourne, tourne dans l'autre sens, avancez sur 4 pas, reculez sur 4 pas, avancez de 4 pas, reculez de 4 pas, traversez sur 8 pas, on prend la place de son partenaire. Retraversez sur 8 pas, on reprend sa place de départ. Se crocher avec le bras droit et tourne sur place. On se croche avec le bras gauche et tourne, tourne dans l'autre sens. Avancez de 4 pas, reculez de 4 pas. Avancez de 4 pas, reculez de 4 pas. Traversez sur 8 pas. Retraversez sur 8 pas. Et on se croche avec le bras droit. Et on se croche avec le bras gauche. Avancez. Et reculez. Avancez. Et reculez. Et traversez sur 8 pas. Et retraversez sur 8 pas. Et croche avec le bras droit. Et croche avec le bras gauche. Avancez et reculez. Avancez et reculez. Et traversez et retraversez. Et croche avec le bras droit. Croche, croche avec le bras gauche. La jument dit à son petit poulain, pâturons l'herbe, pâturons l'herbe. La jument dit à son petit poulain, pâturons l'herbe et laisse son foin. La jument dit à son petit poulain, pâturons l'herbe, pâturons l'herbe. La jument dit à son petit poulain, pâturons l'herbe et laisse son foin. Croche, croche avec le bras gauche. La jument dit à son petit poulain, pâturons l'herbe, pâturons l'herbe. La jument dit à son petit poulain, pâturons l'herbe et laisse son foin. La jument dit à son petit poulain, pâturons l'herbe, pâturons l'herbe. La jument dit à son petit poulain, pâturons l'herbe et laisse son foin. Avancez de 4 pas, reculez de 4 pas. Avancez de 4 pas, reculez de 4 pas, et traversez sur 8 pas. Et retraversez sur 8 pas, et croche avec le bras droit, et tourne, tourne avec le bras gauche. Avancez, reculez, et avancez, et reculez, et on traverse. On retraverse dans l'autre sens. Et on se croche avec le bras droit. On se croche avec le bras gauche. Et tourne, tourne dans l'autre sens. Reculez. Avancez. Reculez. Et on traverse sur 8 pas. On retraverse sur 8 pas. On se croche avec le bras droit et tourne, tourne sur place. Puis on se croche avec le bras gauche et tourne, tourne dans l'autre sens. Très très bien les enfants. On retourne la cassette et on recommence.